Oui, mes chers amis, bonjour, bonsoir. Ezali toujours Bissot, Tozali Koya, pour Tomekako, Kosola Mouké. Aujourd'hui, juste, je viens pour un petit rappel. Il me semble que Bissot ba congolais, faut ba rappel, même si il n'y a pas de réaction, mais pour na Bissot, je pense que Tozali na devoir, na responsabilité, wana yako sala kabino ba rappel, yako yebisa kabino. Lelo, toye rapidement, juste pour te rappeler quelque chose que nous avons parlé sur Facebook. Bien que bandeko ebele basengaki biso tosala yango na video, mais tozalaki na temps kosala yango te. Donc, je disais, point wana, lelo, ya liboso, ya mibale, juste, vous avez suivi ma video ebele en Europe. Il semblerait aussi à Kinshasa, au Bazali ko. Quoi qu'ils aient bissou, quoi qu'ils aient gaï que bande qu'on a bissou yangambo ya aparico, basali cotine de la basali na courage été entre guillemets, c'est ce qui a été dit, basali na courage été ya kolobe la candido keke. Alors ils envoient les informations et pas nangaï pour nga na lobe la candido keke. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Voilà, donc, je vous ai dit, dans Facebook, j'ai dit, dès le premier jour, il y a nomination, il y a Félix Oyo, Ayaki a nommé Jean-Pierre Bemba, le voleur Vital Kamerhe, et tout, bon, ce soir, non? Nakomaki na poste na biso qui date je pense ce qui n'a me rappelé malamu na mois de mars je pense le 31 mars si je me trompe pas et ce qui tozali koya ezali juste ma pensée nous avons des informations. Nomination ya batouana mi balé kaka nazali kozwa en considération sikoyo. Nomination à Jean-Pierre Bemba ne venait pas de Félix Tshisekedi. La nomination de Vital Kamerhe ne venait pas de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que le Rwanda et l'Ouganda sont en train de s'imaginer un scénario de remplacer Félix. Par Mutu Mususu Oyabango. Soit c'est l'Ouganda qui dirige le Congo, soit c'est le Rwanda qui continue de diriger le Congo. Alors, Bango Mibale, Boyebi Kebazali, Batumoko, Paul Kagame et M. Museveni, Bayeko imposé scénario, Yako imposé Félix, Yako imposé Congo, a nommé Jean-Pierre Bemba, ministre de Défense, a nommé Vital Kamerhe, ministre de l'économie. En réalité, défense et économie, et Zalaki imposition, il y a ba Rwandais. Ça, c'était juste exigence, il y a Jean-Pierre Bemba, à Yébissiba Ougandé, que non, moi, je vais la défense. Et Kamerhe est tellement à Lingambongo, et lui a souhaité, à Zala, soit ministre intérieur, soit ministre de l'économie. Alors, Bayeko Pesaye, économie. Alors, scénario Nini, Oyo Bazaliko préparé, selon nos sources, selon les informations que nous avons, à partir à Rwanda, on nous dira, c'est ce que d'ailleurs j'avais dit, Nakomaki na Facebook Nangai, Nakomaki ango bien na lobby, bon noté date ya lelo. C'était le 31 mars, vous qui na Facebook Nanga, vous allez voir. Le 31 mars, j'ai dit ceci. Notez la date d'aujourd'hui. D'ici 6 mois, Jean-Pierre Bemba va tenter Yako Picola Félix et Sikazali. Dans le bac, il y a bien noté. Et Bato Mingi baye la kinga inbox ba bi ah non prof pourquoi lobby yango ezali malamu pona biso ce qui Jean-Pierre Bemba Picoli Félix ce sont des idiots qui ne comprennent rien. Jean-Pierre Bemba n'est pas congolais entre guillemets, je ne parle pas de père et de mère. Je parle congolais en amour. Jean-Pierre Bemba est toujours là pour les intérêts des Ougandais. C'est-à-dire pour nous, Congolais, pour nous, nés Congo, remplacer Félix par Jean-Pierre Bemba, et ça, nous avons dit que nous à Saint-Pierre ou habillé Saint-Paul. Ndenge moko. Ndenge moko, pas de différence. Alors, si ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui va le faire à Picoula Félix, c'est Vital Kamerhe qui va le faire. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba avec l'apport soutien à Ouganda et Vital Kamerhe avec soutien toujours à Rwanda. Mes chers amis, bon dimanche à Bissou. S'il vous plaît, bon dimanche à Bissou. Et à la question de savoir, alors, Bozo Salanimi, n'a répondu à la question Oyo Mingi. Nous sommes nés avec une grande majorité de Bizengi, de Biyungu congolais. Moi, je peux dire que dans Mboka na biso, peut-être 90 ou 95% baza Bizengi. Oui, ça c'est vrai. Bafla Tarabinoté. 80 ou 85% Bizengi, donc na 80 ou 90 ou 95% Bizengi, 60% ya Bizengi ya Bakinois. 60%, je dis bien, na Kinshasa wana, 100% des Kinois Bizengi Biyungu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que par exemple Kiev, qui est Ukraine qui est attaquée par la Russie, Kiev bazana fête chaque jour, Kiev bazana ba distraction chaque jour, Kiev bazana ba mariage chaque jour, Kiev bazana on dirait un pays au ba atteignait déjà niveau ya croissance élevée. On dit mateke Kinshasa wana na kwa mutu à 30 km de Kinshasa bato bazokufa, bato bazana égorgé. Batoubaza violé. Qui peut les croire sur cette terre des hommes? Alors, Bakino a voyé Bissanga, ce qui vous allez bisengite, vous allez banane. Ce qui vous allez bisengite, vous allez banane. Parce que ce qui se passe dans la capitale, il y a Mboka. Et ça a un impact makasi dans l'intérieur, il y a Mboka, dans la partie Moussous, il y a Mboka ou Etikali. Donc, notez ça aujourd'hui. Dites au Kokoma, 6 mois et les ou bien in Tokoma décembre, vous allez voir Jean-Pierre Bemba côté l'aimant pour appeler sa place dans Bougandé. Azobokonzi. Ce que Jean-Pierre Bemba, ça sera Vital Kamerhe. Et Boyoki déjà, lobby ou avant-hier. Le directeur de cabinet, je pense, ou bien un conseiller, il y a Jean-Pierre Bemba, arrêté pour raison d'enquête, il semblerait, à Zana manigance à ça, la coup d'État. Et Jean-Pierre Bemba, Azali, semble-t-il, comme menacé, a quitté le gouvernement pour Bakangi, directeur de cabinet. C'est un colonel ou un général qui a été arrêté. Directeur de cabinet à Jean-Pierre Bemba. On dit mais chers amis. Et na kosili ça juste na makambo on a lobi ya bande ko na biso apareko na ebisa kabino déjà ma position sur l'apareko. On me dira ya Candido Keke finance avec $50, $100 na Kinshasa ya une chaîne YouTube, je connais pas na landa bon ampi qui mi kolonyo so bazali ko kotinda ba message ba information ya lokuta ki la pareko batinda ka message pa na nga po ngai na lobela Candide parce que bango moko bazana courage ba lobela te mais Candide okeke doit dire la vérité à ce petit garçon là na landa te mais on me dit toujours pensez-vous que vraiment na pareko wana monsieur Ebamba monsieur Yajovin, monsieur bon, Patrick Lokika, Nazuika Batouana Kaka. Pensez-vous Batouana pour Balobe, la candidate qui doivent passer par monsieur Yombi? Croyez-vous? Croyez-vous que Batouana pour Balobe, la candidate directement, ils doivent passer par monsieur Yombi? Moi, j'ai des informations sur tout ce qui se passe dans la diaspora. Je suis connecté. Et ça, ma membre à Pareko, tu as besoin d'informations pour la Pareko. Tu as besoin d'un côté. La Pareko n'a pas besoin de Yombi. Pour la Lobela Moutou, pour la Pesa d'informations, ils n'ont pas besoin de Yombi. Ils ont des mensonges. Et d'ailleurs, j'ai suivi M. Yajovin, il a dit clairement. Batouana n'y a son ayebi bangote. Ya Jovin, n'gana yeto solola nante, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Naebi même numéro naete, naebi te soki a zalaka naba réseaux sociaux bi a zalaka te, je ne les connais pas. Je parlais avec Kouloutou Ebamba, je pense, trois fois. Liwa ya Kouloutou Mwanda, je parlais avec lui, qu'on souhaitait ma condoléance. Je parle avec lui. Ce qui moyen Zali au Meka pour sécuriser l'organisation Oyo. Parce que moi, je me dis, la Pareko, c'est un patrimoine de la diaspora congolaise. Oui. Peut-être, vous voyez, j'ai un master en gestion d'organisation. Peut-être, vous voyez,